J'avais promis tant de bonheur. Pourquoi pleurer quand tu écoutes cette chanson? Pourquoi penser qu'il aurait pu en être autrement? Pourquoi crier si nos chemins sont durs? C'est trop tard maintenant, il faut nous séparer, oublier. C'est si triste à voir, dans tes larmes ton regard si doux. Je n'aurais jamais dû te croire, l'amour m'avait rendu fou. Oublie ces mots, tu peux faire ce que tu désirais. Oublie mon nom, il vaut mieux se quitter sans regret. Oublie ma peine, je ne veux pas de pitié. Quand tout seul sur la route, je suivrai enfin ma destinée. Pardon.